Casanova, de Jules Janin. J'ai bien quelques regrets de vous entretenir si longuement de cet aventurier sans valeur personnelle, espèce de Lazzari italien, qui dans tout le cours de sa vie est aussi peu inquiet de faire un mensonge qu'une déclaration d'amour. Je sais fort bien que le temps pourrait être mieux employé, mais je sais fort bien aussi que par ces accablantes chaleurs de juillet, vous n'êtes guère disposé à rien prendre au sérieux, pas même le temps qui passe lentement au milieu de cette lourde atmosphère. Et puis, tout intrigant qu'il est, ce Casanova est un garçon ingénieux, plein d'esprit, plein de saillies, plein d'étourderies de tout genre. Et puis encore, on vient de mettre au jour ses mémoires très complets, trop complets, et qui le présente en France, pour la première fois, dans la plus entière et la plus immorale nudité. Donc, en vous parlant de Casanova, je fais acte de complaisance d'abord, je fais acte de prudence ensuite. Je me donne bien de la peine pour rendre vraisemblables des aventures sans vraisemblance. Je vous empêche de lire un livre dont beaucoup de pages sonneraient mal à de chastes oreilles et qui serait fort obscur aux intelligences peu avancées. Il est donc convenu, messieurs, et surtout il est convenu entre nous, mesdames, que nous enverrons à Casanova de Saint-Gald une robe nuptiale avant de l'introduire parmi vous. Cet homme singulier, qui est mort pauvre, obscur et presque mendiant, comme meurent la plupart des aventuriers, même les plus heureux, s'étant trouvé sur la fin de sa vie un vieux reste de dévotion italienne, mêlé à un grand fond de libertinage français, a écrit toute son histoire en français, non sans la faire précéder d'une espèce d'oraison chrétienne, dans laquelle il s'efforce de se démontrer à lui-même qu'il est chrétien et catholique romain. Eh mon Dieu, que nous importe la croyance ou les croyances de M. Jacques Casanova ? Je crois en Dieu, nous dit-il. Qu'est-ce que cela fait à Dieu, je vous prie ? Quant aux principes divins enracinés dans son cœur, vous verrez, dans son livre, comment il arrange sa vie avec ses principes divins ou non. Il n'y a qu'une chose à remarquer et à croire dans l'acte de foi de l'Italien, c'est qu'il aimait beaucoup le pâté de macaroni fait par un bon cuisinier, beaucoup la morue de Terre-Neuve, bien gluante, beaucoup le gibier faisandé, beaucoup le fromage en putréfaction. Voilà le véritable credo de notre homme. Ne vous occupez guère du reste de son évangile. Le macaroni, la morue gluante, le gibier avancé et le fromage plein de verre, voici sa trinité en quatre plats. Cela dit, nous pouvons entrer en matière. Vous connaissez l'auteur de ce livre aussi bien qu'il se connaît lui-même. Ajoutez seulement à ses goûts avoués qu'il aime beaucoup le jeu et les femmes. Le jeu parce qu'il donne beaucoup de femmes, et les femmes parce qu'on goûte bien mieux avec elles le macaroni, la morue, le gibier et le fromage, les premières et les dernières inclinations de Jacques Casanova de Saint-Gall. Ce singulier historien s'est donné la peine, avant d'écrire son autobiographie, de se faire un arbre généalogique. Cet arbre généalogique n'est, à vrai dire, qu'une plante parasite qui a poussé au milieu d'une forêt de théâtre et dont les branches se perdent dans un ciel de théâtre, portant, grotesquement pendu à leur sommet, l'Espagnol Don Jacob Casanova, qui épousa une religieuse enlevée à son couvent. Don Juan, officier du roi de Naples, qui s'enfuit à la suite de Christophe Colomb, découvrit l'Amérique, où il laissa ses os. Marie-Antoine Casanova, poète satirique, qui mourut dans la peste de Rome en 1526 et qui serait mort de faim sans la peste, bien différent ceci d'un autre faiseur d'épigrammes, Pierre Arétin. Jacques Casanova, officier, qui se battit contre Henri IV sans lui faire trop de mal. Gaëtan Casanova, qui se fit danseur, épousa la fille d'un cordonnier et qui devint le père du Casanova en question, du véritable Jacques Casanova, né le 2 avril 1725. Un romancier n'eût pas inventé une généalogie plus appropriée à son héros que celle de Casanova. Il y a de toutes sortes de sang dans ses veines, sang espagnol, sang italien, sang français. Il y a de la nonne, il y a du prêtre, il y a du soldat, il y a de l'artisan, il y a de l'aventurier, il y a du comédien et de la comédienne, il y a de tout, excepté de l'honnête homme. Ce sont tous des gens de fortune qui contribuent à mettre au monde ce type singulier de l'arlequin civilisé. Du reste, s'il parle de sa famille, c'est moins par vanité que pour mémoire. C'est tout simplement pour montrer qu'il a une famille, et il a bien fait de le dire et de s'expliquer catégoriquement à ce sujet. Autrement, on aurait pu penser, sans lui faire le moindre tort, qu'il était tout simplement un enfant trouvé. Je n'ai pas dit un enfant perdu. La première impression qui vint à l'âme de Jacques Casanova enfant, fut une impression de sorcellerie. Sa grand-mère, le voyant malade, le conduisit chez une sorcière qui l'enferma dans une boîte avec 1000 simagrées. Sa première espièglerie fut de voler un verre à facettes à son père. Et comme son père cherchait partout ce verre à facettes, Casanova le glissa dans la poche de son frère, qui fut fouetté jusqu'au sang. Toute l'enfance de Casanova se réduit à ces deux circonstances. Après quoi, sa mère, qui, en sa qualité de comédienne et de jolie femme, n'avait guère le temps de s'en occuper, chargea l'abbé Grimani de mettre ce cher enfant en pension, moyennant la modique somme d'un sequin par mois, tout compris. La maîtresse de pension du petit Jacques était la femme d'un colonel Slavon, aussi crasseuse et aussi détestable que la vieille dont parle La Fontaine dans une de ses fables. Elle était grande et grosse comme aurait pu l'être feu son mari le colonel. Elle portait moustache comme lui, elle était jaune, elle était hideuse, elle avait une servante aussi laide qu'elle. Dans cette pension, on mangeait chaque jour, et dans un plat unique, une méchante soupe, une pomme et quelquefois de la morue sèche, dit le texte. C'est peut-être pour cela que l'enfant Jacques Casanova voua, pour le reste de sa vie, un grand culte à la morue bien gluante. Le mobilier de l'institution répondait au festin. Il y avait dans les lits de la vermine de 4 espèces, en comptant les rats du grenier qui servaient de dortoir. L'éducation allait de pair avec l'ameublement. Jacques, mourant de faim, se mit à voler la Slavonne, comme Jean-Jacques Rousseau, à peu près à la même époque, volait chez son maître le graveur où il était apprenti. Mais Jacques ne raconte pas ses vols comme Jean-Jacques. C'est que Jean-Jacques enfant est déjà cet honnête homme, plein de naïveté, de candeur, de bonhomie, qui devait écrire les Confessions et l'Émile. On voit qu'il a lu Plutarque, on voit que sa mère était une honnête femme, et son père un homme de cœur. Jacques Casanova, au contraire, se ressent déjà, même chez sa Slavonne, de son père le danseur et de sa mère la comédienne, qui l'ont élevé au hasard. De chez la Slavonne, Casanova passe chez un digne abbé, le docteur Gozzi. Chez le docteur Gozzi, le tempérament sanguin de Casanova se déclare. Comme il était là bien nourri, bien logé, bien peigné, cet enfant se mit à devenir amoureux de la sœur du docteur, Béatrice, qui le peignait, qui l'appelait son frère, qui lui mettait des bas blancs dans son lit, qui le lavait tous les matins. Je ne saurais dire qu'il y ait beaucoup de charme dans ces premières amours de notre héros. L'idée de Béatrice est trop étroitement liée à cette idée de cheveux mal peignés et de pieds sales pour que nous nous intéressions beaucoup à ses amours. Il faut être très italien pour avoir de pareils souvenirs et pour se rappeler à la fois ses premières ablutions et ses premières amours. L'histoire de Béatrice est fort longue. Elle ne vaut pas l'histoire fort courte de Mademoiselle Gallet dans Les Confessions. La pauvre enfant, je parle de Béatrice, se croit possédée du démon. Il fallut que l'exorcisme y passât. L'exorcisme n'y ayant rien fait, on maria Béatrice. Une fois mariée, son mari la battit et elle n'eut plus le diable au corps. Je ne puis m'empêcher de comparer encore les deux éducations, celle de Rousseau et celle de Casanova. J'aime Rousseau enfant, rêveur, dévoreur de livres, innocent, timide. Je hais l'Italien, son contemporain, malin, avide, audacieux, mal peigné, joueur déjà. Il reste ainsi à Padoue jusqu'à ce qu'il eût reçu les ordres mineurs, puis il dit adieu au docteur Gozzi et à Béatrice, et le voilà à Venise. Venise est alors la belle ville des mascarades, des parfums et des courtisanes, ville perdue, mais qui se tenait encore debout, comme toutes les autres ruines de ce XVIIIe siècle, si belle qu'on ne pouvait pas deviner que c'était des ruines. Un des grands indices qu'une société se perd, c'est l'incurie dans les principaux hommes de l'État. Une fois que personne ne veut plus gouverner dans un État, une fois que les capables et les habiles se retirent des affaires, laissant au premier venu le soin de l'administration, tenez-vous pour bien assuré que cet État est près de sa ruine. À Venise, le premier protecteur de Casanova fut un vieux sénateur retiré des affaires, homme de repos et de plaisir, un de ces goutteux si spirituels et si moqueurs, que vous retrouvez partout à cette époque, en France et en Italie, riant tout bas d'une décomposition sociale dont le spectacle les amuse d'autant plus qu'ils savent fort bien qu'ils seront morts avant que la société ne tombe en ruine. Vieillard dont l'insouciance est le plus grand des crimes, dont la sécurité est le plus profond égoïste, dont le sourire si tranquille et si doux annonce et accepte une révolution. C'est dans le palais d'un homme riche, oisif, insouciant, moqueur et gourmand, espèce de poco corrente, comme les appelle Voltaire, revenu des affaires et des amours, et ne croyant plus à rien, pas même aux femmes, que tomba Jacques Casanova. Cet homme s'appelait le sénateur Malipierre. Monsieur Malipierre, trop heureux de trouver un jeune homme qui avait un grand appétit et des sens tout neufs, s'amusait à le faire dîner comme deux et déraisonner comme quatre. Il se plaisait à faire de Jacques tout ce qu'on pouvait en faire, un poète, un gourmand, un beau parleur, un élégant. Un jour, il lui fit faire un sermon dans l'église du Saint-Sacrement. Le lendemain du jour où il prêcha son premier sermon, l'abbé Casanova, toujours grâce à son ami le sénateur, fut présenté chez une fille nommée Juliette. Après l'emploi de sénateur, un des emplois les plus importants de la République de Venise, c'était celui de courtisane. Juliette était une des célèbres courtisanes de Venise. Le marquis Santavelli l'avait achetée à ses parents 100 000 ducats. Du marquis, elle avait passé à un juif. Elle avait quitté le juif pour le théâtre. Au théâtre, elle avait fait si bien que Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, avait chassé Juliette de Vienne. Un signe honneur, après lequel couraient alors toutes les comédiennes. En ce temps-là, pour déprécier une chanteuse ou une danseuse, on disait « l'impératrice la souffre à Vienne ». L'abbé Casanova fut présenté à Juliette dans son palais. L'abbé s'amuse à décrire cette belle personne de la tête aux pieds, ou pour mieux dire, des pieds à la tête, car elle le fit asseoir au-dessous d'elle sur un tabouret, et puis, sans s'en occuper davantage, elle reprit la conversation commencée avec une foule d'abbés et de marquis qui faisaient leur cour. L'abbé décrit très longuement les cheveux de Juliette, la courtisane, mais nous sommes en droit de croire que le portrait est flatté, car quelques années plus tard, un homme qui se connaissait en belle femme, certainement le roi Louis XV, voyant Juliette dans la galerie du palais, passa outre d'un air très dédaigneux, en disant tout haut au duc de Richelieu « Nous en avons de plus belles à Paris. » Qui le croirait? Casanova trouva le moyen de compromettre Juliette à Venise. Vous dire comment, cela est trop long. Mais le fait est que la courtisane fut compromise par l'abbé. Dans un bal que celle-ci lui donna, il changea de vêtements avec elle, et toute la ville fut scandalisée de voir les libertés que prenait la courtisane Juliette avec le petit abbé Casanova. Singulière ville et singulière époque, en vérité. Casanova, ainsi lancé dans le monde par M. Malipierre, se voit invité de toutes parts. Il voit beaucoup de jolies femmes, il les aime toutes, il en respecte quelques-unes, Lucie, entre autres, la fille d'un jardinier, jolie enfant, candide et naïve, qui est enlevée par un laquais, au grand désespoir de Casanova, qui se promet bien de n'être plus la dupe de l'innocence une autre fois, et qui la retrouve 10 ans plus tard dans un casino hollandais abruti par le vice et par l'alcool. Pour tenir tout de suite son serment, l'abbé s'en va chez la mère de deux jeunes filles, Angela et Nanette, et dans cette maison, chez cette mère, qui n'a aucun soupçon, avec ses deux jeunes filles, tout à l'heure si innocentes, monsieur l'abbé s'abandonne à toute la fougue de la jeunesse. Ici, on croit lire quelques-uns de ces romans de la même époque où le libertinage est mis en action et réduit en maxime, livre dangereux, peu dangereux cependant pour les esprits bien faits, parce qu'ils sont avant tout menteurs et absurdes, et qu'avec un peu d'intelligence, on a bientôt reconnu en rougissant qu'on était la dupe d'un mensonge sans vergogne, sans pudeur, sans vraisemblance et sans vérité. Voyez-vous, les livres dangereux, ce ne sont pas les livres écrits pour les sens. On est bien vite à bout de ce chapitre-là, et il est d'une monotonie si insupportable qu'il est bien difficile de le recommencer. Il arrive presque toujours aux esprits bien faits que le premier mauvais livre qui leur tombe sous la main est aussi le dernier. Après quoi, ils traitent ce genre de livres comme ces nourritures nauséabondes auxquelles on goûte une première fois pour dire qu'on les a goûtées, mais auxquelles on ne revient plus. Les livres dangereux, ce sont les livres écrits pour les passions. Ceux-là sont les vrais livres qu'il faut craindre. Ils portent avec eux quelque chose qui les rend honorables. On sait que, pour les écrire, il faut avoir beaucoup d'art et beaucoup d'âme. On sait que, pour les aimer, il faut avoir beaucoup de cœur. Ne craignez donc pas de vous aventurer avec moi dans ces alcôves où pénètre ce menteur dévergondé, Jacques Casanova de Saint-Galt. Il n'y a pas de risque que son exemple vous pique d'émulation. Et puis, chaste historien de cette histoire critique, j'aurai toujours soin de tirer les rideaux de l'alcôve, de fermer à temps la porte du boudoir. D'ailleurs, ces amours de Jacques Casanova ne sont pas tous en livre. Ils y tiennent, il est vrai, une grande place, mais ce n'est pas la place la plus intéressante. Ce livre, très amusant, est très instructif, en ce sens qu'il donne une idée très juste de ce qu'était le XVIIIe siècle en Italie d'abord, en France ensuite. Casanova, avant de venir en France, parcourut toute l'Italie dans toutes sortes de conditions et de fortunes. Il ne tient à aucune place, il ne reste à aucun poste. Tout à l'heure, il était à Venise, chez M. Malipierre. Le lendemain, le vieux sénateur le chasse de chez lui à coups de bâton, avec ce prétexte, pour toute consolation, « Sequere Deum », ce qui peut se traduire pour Casanova, va chercher autre part des filles, du gibier, de la morue et du macaroni. À peine sorti de la riche et oisive demeure de M. Malipierre, Casanova s'enferme au couvent de Saint-Cyprien. Il dit adieu à ses amis, adieu Angela, adieu Nanette. Le voilà qui vit au milieu de 150 séminaristes. Là, il parle poésie tout le jour, il parle de l'Arioste, du Tasse, de Pétrarque. Il apprend à ce qu'il dit les vers d'Horace. Mais pour ma part, je suis persuadé qu'il savait très mal et très peu son Horace, il le cite trop souvent. Une aventure nocturne dans le dortoir du séminaire le fait mettre à la porte, non sans avoir été fouetté cruellement. L'abbé doit se souvenir du séminaire. Il y est entré à coups de bâton, il en est sorti à coups de verge. À peine sorti du séminaire, on le met en prison au Fort Saint-André. Au Fort Saint-André, l'abbé raconte une histoire de jeune fille très facile à raconter devant tout le monde et très digne d'être racontée. Il était en prison au Fort Saint-André avec le comte de Bonafède, ancien officier du prince Eugène, et qui était alors au service de la République. Cet homme, officier de la République, est mis aux arrêts pour 24 jours. Comme il était sur le donjon du fort avec Casanova, prisonnier comme lui, ils aperçurent une gondole à deux rames qui se dirigeait vers la porte de la prison. C'était madame la comtesse de Bonafède et sa fille qui venaient voir l'une son mari, l'autre son père. Ces dames avaient toutes les belles manières et toutes les apparences de femmes du grand monde. La jeune personne était blonde et rose, son sourire laissait voir de belles dents, sa taille était charmante. Elle était élégamment parée à la mode du temps, ayant de grands paniers et tout le costume des filles nobles. Casanova veut lui donner le bras, mais elle, avec beaucoup d'aisance et de grâce, le trouve en gauche, lui apprend comment un homme bien élevé offre la main à une jeune fille de qualité. Elle, cependant, lui parle d'art. Elle lui dit qu'elle est musicienne et peintre. Voilà le jeune homme enchanté. En se retirant, madame la comtesse, avec un bienveillant sourire, invite Casanova à aller la voir, elle et sa fille. Monsieur l'abbé se confond en respect et en remerciements. À peine sorti de prison, Casanova se rend chez le comte qui était sorti. Madame la comtesse était chez elle. Le jeune homme entra dans un vaste salon, orné de quatre chaises d'un bois vermoulu et d'une table couverte de graisse. Madame la comtesse était enveloppée dans une robe en lambeaux, qui laissait entrevoir une chemise aussi noire que sa robe. Après le premier salut, madame la comtesse appela sa fille, et alors vint la pauvre fille, habillée comme sa mère. Elle fit entrer le jeune homme dans sa chambre. Cette chambre était triste, il n'y avait pas de drap sur la paillasse qui composait le lit. Elle raconta à l'abbé que leurs beaux habits de l'autre jour étaient en gage. Cette misère-là durait depuis 10 ans. L'abbé en fut si touché qu'il donna 6 sequins à la fille du comte. Telle est pourtant l'histoire de la bonne moitié de la noblesse au XVIIIe siècle. Il n'y avait qu'à laisser faire la misère, elle eût bien mieux fait justice des distinctions que le bourreau. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, un certain abbé français étant devenu évêque par la grâce de Dieu, du Saint-Siège apostolique et de Madame Casanova la comédienne, se chargea de l'avenir de Jacques Casanova. Il commença par donner à Casanova une lettre pour le père Lougari au couvent des Minimes, dans la villa d'Ancône. Casanova quitta donc Venise pour se rendre à sa nouvelle destination. Il dit encore une fois adieu à ses deux amis, leur laissant tous ses papiers et tous ses livres défendus. Il s'embarqua tristement pour Ancône avec 10 sequins à la suite de l'ambassadeur de Venise. La cour de sa seigneurie, qu'on appelait la grande cour, était composée d'un maître d'hôtel, d'un abbé, d'une vieille femme de charge, d'un cuisinier et de 8 à 10 domestiques. Arrivé à la presqu'île de Chioggia, où s'arrêtait la tartane, l'abbé voyageur fait rencontre d'ancien ami de Padoue qui le présente sur le champ chez un apothicaire où se réunissaient tous les gens de lettres de l'endroit. Le soir, il dîne à l'académie de Chiozza. Il élit d'estance de sa composition et il est élu membre de l'académie de Chiozza à l'unanimité. Après la séance, on le mène au jeu, où il perd tout son argent, sa montre, ses habits, tout ce qu'il a. Le soir, il se couche dans un grand lit, lui 12e, dont il fut chassé à coups de pied par l'hôtelier. Le lendemain matin, il se rembarque, sans argent, sans habits, malade et ne sachant que devenir. Dans sa détresse, il est accosté par un moine de Saint-François. Ce moine le prend en amitié et il partage avec lui tout ce qu'il a. Son gîte et son souper chez les dévotes italiennes, son café au presbytère du chemin, les trésors copieux de sa besace, pain, vin, fromage, saucisson, confiture et chocolat, mangeaille de toutes sortes. Ils arrivèrent ainsi à Ancône, ce beau port élevé par Trajan. À Ancône, on fit faire aux passagers de la tartane une quarantaine de 28 jours. Du Lazaret, le père Stefano écrivait, par la main de Casanova, des lettres touchantes aux bonnes âmes d'Ancône, les priant de venir au secours d'un pauvre Ricolet de l'ordre de Saint-François. Les aumônes arrivaient en abondance. Au bout de 15 jours de repos et de régime, l'abbé se sentit rétabli. Pour se distraire, il regardait du matin au soir dans la cour du Lazaret. Dans cette cour habitait une esclave grecque, d'une grande beauté, d'une grande blancheur, que rehaussait encore de grands yeux très noirs. L'abbé devint amoureux de la femme grecque, mais comme il allait être aimé, la quarantaine finit. À Ancône, le père Lougari lui remit 10 sequins de la part de l'évêque. À Ancône, il quitta le père Stefano et sa riche cargaison de pain, de vin, de salé, de confiture et de chocolat. D'Ancône, il s'en va à pied à Notre-Dame de Lorette. Il était harassé de fatigue, mort de faim et de soif. À peine est-il arrivé à Notre-Dame de Lorette qu'un abbé le conduit à une maison de belle apparence. Dans cette maison, on lui donne un appartement de 3 pièces, on le rase, on le met au bain, on lui sert un souper délicieux, on lui donne du linge blanc. Une servante, fort bien mise, vient faire son lit. Quand il est au lit, on lui apporte une lumière de nuit avec un cadran. Il était à l'hôpital fondé par Monseigneur Carafa. Le couvent, les moines et le presbytère où les voyageurs trouvaient un asile le soir, c'était autant d'institutions favorables à la vie aventureuse. Aujourd'hui qu'il faut à toute force qu'un héros d'aventure paye son gîte le soir, aujourd'hui qu'il n'y a plus d'hospitalité qu'à prix d'argent et que toutes les hôtelleries se ressemblent, il est bien difficile de jeter quelques variétés dans une histoire. Chaque voyageur s'en va le long des grandes routes et qu'il soit riche ou pauvre, à pied ou à cheval, nous savons à 1 mètre près le chemin qu'il a parcouru, à 20 centimes près le souper qu'il a mangé. On a porté un grand préjudice aux romanciers en abattant les couvents, ce qui ne nous empêche pas d'avoir 30 à 40 romans nouveaux tous les mois. 3 jours après, quand il eut bien fait ses prières à Notre-Dame de Lorette, Casanova se remet en route. Le premier homme qu'il rencontre, c'est le frère Stefano. Il voyageait à pied, lentement, sans se hâter, toujours sûr de trouver quelque âme dévote à Saint-François pour lui donner l'hospitalité le soir. Le moine proposa à Casanova de porter sa besace. Casanova porta sa besace. Le lendemain matin, à un certain château, le moine se fait servir la messe par Casanova, et après la messe, le moine confesse toute la maison, et comme il refusait de donner l'absolution à une jolie petite fille de 15 ans, Casanova, hors de lui, le traite devant tout le monde d'imposteur et d'infâme. Le moine s'échauffe et donne un soufflet à son compagnon. Le compagnon, lui, riposte par un coup de bâton. Ils se séparent. Casanova fait marcher avec un muletier dont le mulet le jette dans un fossé sur le bord du chemin. Il reste dans ce fossé tout un jour. Le soir de ce même jour, un homme vient à passer au bord du chemin et ramasse le voyageur estropié. Cet homme, c'est le moine Stefano. Le personnage de ce moine Stefano est très amusant dans ce livre. Il reçoit à chaque instant des coups de pied ou des coups de bâton de son camarade Casanova. Il en est abandonné à tout propos, et toujours il arrive à temps pour lui donner à manger quand il a faim, pour lui trouver un lit quand il est à la Belle Étoile, pour le tirer du bourbier quand il y est tombé. Ce qu'il y a d'original, c'est que ce moine ne se sent pas un mouvement de charité chrétienne en tout ceci. Il oblige Casanova uniquement parce qu'il a besoin d'un compagnon pour le distraire. pour manger ses vieux poulets rôtis ou pour porter sa besace quand elle est trop pleine. Il y aurait un excellent personnage de roman à faire avec le frère Stefano. Du reste, c'est bien le plus impudent moine mendiant qui est mendié dans le pays de moinerie. Voici un exemple de l'effronterie de ce drôle qui était chargé de toutes sortes de comestibles. Un soir, il s'arrête avec son compagnon dans une chétive maison à 100 pas de la route. Il trouve dans cette maison un vieillard décrépit et cacochime étendu sur un grabat, deux vilaines femmes de 30 à 40 ans, deux enfants tout nus, une vache et un chien. La misère était visible, mais le cruel moine, au lieu de faire l'aumône dans cette pauvre maison, demande impitoyablement à souper. Le moribond se lève en soupirant et dit aux femmes « Allez tuer la dernière poule, allez chercher la dernière bouteille que je conserve depuis longtemps. » En même temps, le vieillard fut saisi d'une quinte de toux violente. Casanova et le moine soupèrent avec la poule et la bouteille de vin, à la lueur d'une misérable chandelle qui bientôt jeta sa dernière clarté. Pendant la nuit, le moine, obligé de se défendre contre les embrassements d'une des femmes, se défend un coup de bâton, et d'un coup de bâton il fracasse le crâne de son hôte. Cela fait, ils s'en vont tranquillement. Le soir, il soupe chez un riche marchand de vin que le moine insulte après avoir beaucoup bu. Le matin, il déjeune chez un aubergiste qui leur donne gratis du vin de Chypre délicieux. Le moine, pour récompenser l'aubergiste, lui vole un sac de truffes. Comme l'aubergiste était une fort belle personne, se vole indigne Casanova qui bat le moine comme plâtre. Il lui enlève le sac volé et il le renvoie à qui de droit. Le lendemain, Casanova entre seul à Rome par la porte du peuple. À Rome, il va chercher son évêque. On lui dit que depuis 10 jours, son évêque est à Naples. Sur le champ, il part pour Naples, ne se souciant pas de voir Rome. Singulière parole, dans la bouche d'un homme qui est jeune et qui n'a encore rien vu. Mais ce jeune homme était déjà pris par le vice, corps et âme, que lui importait de voir Rome. Était-il sûr d'y trouver du macaroni, du gibier, de la morue et du fromage? À Naples, après un voyage de 6 jours, il ne trouve pas son évêque. L'évêque était parti pour Mortenaro. Comme il n'a plus d'argent, il va à pied jusqu'à Portici. À Portici, il entre dans une auberge et il se fait traiter en homme riche. Après le dîner, il va voir le palais. Il trouve, en visitant le palais, un brave marchand qui lui fait goûter son vin et qui lui propose de lui en vendre. Il en a de toutes sortes, du sérigo, du vin de Samos et de Céphalonie. Il a aussi du vitriol, du cinabre, de l'antimoine et du mercure. À ce mot « mercure », l'instinct de Jacques s'éveille. Il prie le grec de lui confier un flacon de mercure. Il va du même pas acheter chez un droguiste 2,5 livres de plomb et de bismuth. Il rentre à son hôtel, il fait un amalgame et il attend que le grec soit de retour. On dîne gaiement. On sable à long flot le vin muscat du Levant. Tout en causant, le grec demande à son hôte pourquoi il a emporté son flacon de mercure, et alors l'autre lui montre son mercure divisé en 2 bouteilles. Casanova lui rend sa bouteille de mercure, et il envoie le garçon de l'hôtel vendre l'autre flacon. Le garçon lui rapporte 15 conlis. Voilà le grec hors de lui. Après bien des détours, le grec dit enfin à son hôte « Combien voulez-vous de votre secret pour l'augmentation du vif argent, monsieur l'abbé ?»« 2 011 d'or, » dit l'autre effrontément. Et moyennant une lettre de change de même somme, Casanova lui enseigne ce secret, qui n'est un secret pour personne, l'agglomération du plomb et du mercure à l'aide du bismuth. Avec l'argent extorqué aux Grecs, Casanova se rend à Salerne. Là, il achète des habits et du linge. De Salerne, il va à Corenza, capitale de la Calabre. De là, il se rend à Morterano, côtoyant la mer d'Ausonie et foulant la terre illustrée depuis 3 000 ans par Pythagore. À Mortenaro, il trouve l'évêque fait évêque par sa mère. Le digne homme était pauvrement logé. Il avait un mauvais lit qu'il fut obligé de dédoubler pour coucher son protégé. Sa table était encore plus frugale que son lit n'était mauvais. Ses ouailles étaient laides et pauvres. Que pouvait donc faire chez l'évêque de Mortenaro, Jacques Casanova, qui aimait tant les jolies femmes, la morue, le gibier et le fromage? Aussi ne resta-t-il que 2 jours chez l'évêque de Mortenaro, qu'il renvoya à Corenza, en lui donnant une lettre pour l'archevêque. L'archevêque le renvoya à Naples. À Naples, il est reçu et fêté partout. Il rencontre un sien parent, homme riche et rangé. De Naples, il va à Rome. Il était fort élégant, fort en argent comptant, fort petit maître. Il voyageait dans une voiture avec deux belles dames, fort alertes et des plus élégantes. Le voyage fut long et charmant. Cet homme qui était entré à Rome en mendiant, tout couvert de la poussière du chemin, tout barbouillé par la charcuterie mendiée d'un moine, y rentre à présent dans la voiture d'une belle dame qu'il aime, dînant à Velutri, couchant à Marine, heureux, riche et honoré, car il avait une lettre de recommandation pour le cardinal Acquaviva. Vous ne pouvez guère vous figurer aujourd'hui ce que c'était encore qu'un cardinal en ce temps-là. C'est là une de ces puissances évanouies comme toutes les autres, et qu'on ne peut se figurer même en se l'exagérant à soi-même. Casanova fut présenté au cardinal Acquaviva à la Villa Negroni. Le cardinal l'examina pendant quelque temps de la tête aux pieds. Puis il lui ordonna d'aller trouver son secrétaire, l'abbé Gama. Le lendemain, l'abbé Gama lui apprit qu'il était logé nourri au palais de son excellence avec 60 ducats d'appointements par mois. Le cardinal lui ordonnait, entre autres choses, de prendre sur le champ un maître de français. Il y avait loin du palais du cardinal à l'humble maison de l'évêque de Mortenaro. La position était belle pour faire fortune. Il n'y eut pas jusqu'à notre Saint-Père le pape lui-même, cet aimable et savant Benoît XIV, le dernier pape de ce monde qui était une puissance hors de Rome, qui ne complimenta Casanova d'appartenir à un cardinal d'une si grande importance. Casanova parla à sa sainteté de l'évêque de Mortenaro. Sa sainteté rit beaucoup du pauvre évêque. Puis, voyant que Casanova parlait mal le toscan, qui est un italien très difficile à parler quand on ne l'a pas pris en naissant, sa sainteté lui dit qu'il pouvait parler le dialecte bolognais. Elle engagea même le jeune abbé à venir le voir quelquefois. C'était un pape charmant, Benoît XIV. Casanova n'a pas un mot d'éloge ou d'admiration pour lui. Une fois que le pape lui eut parlé, Casanova fut un homme à la mode. La belle marquise G. Casanova a quelquefois des réticences singulières. Voulut qu'on lui présentât le protégé de son excellence. La marquise était toute puissante sur le cœur et sur l'esprit du cardinal. L'abbé lui plut. Il était jeune, il faisait des vers, il la regardait avec amour et respect. Le cardinal, qui était un peu poète, fit de l'abbé son confident et le chargea de lui composer un sonnet en réponse à un sonnet de la marquise. Un jour, le cardinal était dans son appartement avec la marquise. Le cardinal envoie chercher l'abbé. L'abbé descend. « Lisez ces vers, l'abbé, » dit son excellence. L'abbé lit les vers à la marquise. Il les lit avec beaucoup de feu et d'expression. Il avait glissé dans ce sonnet quelques vers qui lui étaient personnels et que la marquise seule pouvait comprendre. Comme le cardinal s'était fait saigner le matin, il se mit au lit, priant la marquise de dîner dans sa chambre avec l'abbé. La marquise était dans un négligé galant. L'abbé se mit à table à côté d'elle. Le cardinal s'endormit bientôt. Le repas achevé, les deux convives se levèrent sur la pointe du pied pour aller au belvédère. Là, encouragé par les regards de la dame, l'abbé lui prit la main tendrement. Je ne répéterai pas tout ce qu'ils se dirent. Heureusement, le cardinal se réveilla à temps et il vint les rejoindre, en bonnet de nuit, sur le belvédère, en leur demandant s'il ne s'était pas ennuyé. Eh bien, cette belle fortune si bien commencée, elle fut interrompue par un accident qui perdit Casanova. Il prêta les mains à l'enlèvement de la fille de son maître de français par un Italien. La jeune fille se réfugia chez le cardinal. La belle marquise, outragée, fit chasser l'imprudent Casanova. « Il faut partir, il faut quitter Rome, » lui dit son excellence. « Mais mes bontés vous suivront partout. Où voulez-vous aller ? Je vous donnerai une lettre de recommandation partout où vous irez. « Je veux aller à Constantinople, » dit l'effronté jeune homme. « Je vous remercie de ne pas avoir choisi ce parent, » reprit l'excellence, « car vous m'auriez embarrassé. » Et il lui donna 1000 sequins et une lettre pour Osman Bonneval, pacha de Karamani, à Constantinople. Casanova dit donc adieu une seconde fois à Rome. Il revint à Ancône, trop heureux de pouvoir se livrer tout entier à son humeur aventureuse et libertine. Ses premiers pas loin de son excellence ne furent guère édifiants. Il rencontre une méchante comédienne fort misérable, mère de 3 jeunes filles, qui le fait souper successivement avec ses 3 filles. Il enlève la plus belle et l'emmène à Bologne. Cette fille s'appelait Thérèse. À Bologne, il se sépare de Thérèse. Il quitte le petit collet pour l'habit de soldat et il s'embarque pour Corfou. Dans la traversée de Corfou à Constantinople s'élève une grande tempête. Les vents soulèvent les ondes. Le vaisseau est en grand péril. Les passagers invoquent le ciel. Les matelots, excités par un moine slavon, jettent à l'eau Casanova qu'ils accusent de soulever les vents et l'orage. C'en était fait de lui, mais il resta suspendu à la branche d'une ancre. Enfin, le vent, devenu favorable, les conduisit en 8 jours aux Dardanelles. Ils arrivèrent à Péra, au palais de Venise, et le lendemain, il se fit conduire chez Osman, pacha de Karamani, ce spirituel renégat, comte de Bonneval, dont l'abjuration causa tant de scandales à ce 18e siècle qu'il ne s'étonnait de rien. Le seigneur de Bonneval était vêtu à la française. Il habitait un appartement meublé à la française. Il vint au-devant de notre homme, lui demandant ce qu'il pouvait faire, lui, musulman indigne, à la recommandation d'un prince de l'Église catholique qu'il ne pouvait plus nommer sa mère. Le comte, voyant ce jeune homme si insouciant et si jeune et si abandonné à l'heure présente, et qui venait de si loin tout exprès pour lui porter une lettre d'un cardinal romain, et qui n'avait rien à lui demander, lui donna un de ses janissaires pour l'accompagner et l'invita à dîner tous les jeudis. À ces dîners, il lui fit connaître 2 ou 3 Turcs, hommes d'esprit et de sens et fort tolérants. À ces dîners, on buvait d'excellents vins de France. « Voilà ma bibliothèque et mon harem, » disait Bonneval en montrant son caveau bien garni. Ce que raconte Casanova de son voyage à Constantinople ne me paraît pas d'une vérité incontestable. Son ami Joseph Ali, qui se conduit comme un bon mari de Paris, qui parle politique comme Charles Quint et religion comme Voltaire, est peut-être un anachronisme. Toujours est-il que Joseph Ali est un homme amusant, un esprit distingué, et que Casanova eut bien tort de ne pas épouser sa fille, sauf à suivre l'exemple du comte de Bonneval. Mais Casanova l'a dit dans sa préface, il est chrétien et catholique romain encore, voilà pourquoi il n'est pas mort dans son harem, pacha à 3 queues pour le moins. Quand il quitta Constantinople, et vous vous doutez bien qu'il a quitté Constantinople toujours pour la même raison, un amour traversé ou découvert, son ami Joseph Ali le comble de présents, étoffes de damas, d'or et d'argent, argent en lingots, portefeuilles, ceintures, écharpes, mouchoirs et pipes. Le comte Bonneval lui donna du vin de Malvoisie et de Scopolo. Voilà comment un renégat chrétien et un vénérable musulman acquittèrent la lettre de change du cardinal Acquaviva. Il est bien malheureux que Casanova ne soit, à tout prendre, qu'un intrigant maladroit, un homme qui va par saut et par bond, qui ne met pas plus de transition dans les pages de son livre que dans les actions de sa vie. Son livre serait bien plus intéressant s'il y avait plus d'ordre et de méthode. Comparez ses mémoires aux mémoires écrites par des hommes de sens, dont la vie a touché un but et dont toute la conduite a été logique, même dans ses égarements et dans ses contradictions. Comme tout se tient dans ses mémoires, comme une action est la conséquence de l'autre action, comme l'écrivain, à tête reposée, s'explique à lui-même, puis explique aux autres comment il est allé d'ici, là, de cette action, de telle vérité à telle vérité, de telle vérité à telle erreur, de telle erreur à telle erreur. C'est que la vie de ces hommes n'a jamais été tellement livrée au hasard qu'on y puisse rencontrer, en la cherchant, une pensée dominante, une opinion chérie, une habitude constante, disons-le, un vice enraciné et qui se reproduit toujours. Il n'en est pas ainsi pour les hommes à aventure. Qui dit un aventurier dit tous les hommes, toutes les positions, tous les contrastes, comme aussi il dit toutes les passions, toutes les habitudes, toutes les opinions, tous les vices, et surtout aucune vertu. Voilà tout à fait notre digne héros Casanova de Saint-Galt. Il faut donc que vous ne preniez pas ce simple récit en mauvaise part, si fort souvent je ne vous donne aucune explication aux aventures de mon héros. Le vagabondage ne serait pas le vagabondage si on pouvait lui donner une définition quelconque. Ainsi cet homme, fils d'une comédienne, qui se fait prédicateur à la suite d'un sénateur vénitien, mendiant à la suite d'un moine, poète à la suite d'un cardinal, qui n'est catholique qu'une fois à Constantinople, cet homme revient de Constantinople pour se faire officier de la République de Venise. La République de Venise l'envoie à Corfou. Les détails qu'il donne sur Corfou ne sont pas sans quelque intérêt. L'autorité souveraine y était exercée par le provéditeur général, M. Dolfino, vieillard sévère, ignorant et têtu. Il avait avec lui trois grands officiers des troupes légères, trois officiers des troupes de ligne et trois amiraux. Il avait en outre une dizaine de nobles, beaucoup de nobles de hasard et de vénitiennes consacrées au plaisir. Casanova fut nommé adjudant de M. Dolfino. Naturellement, chez M. Dolfino, l'adjudant fait la cour aux dames. D'abord, elles sont cruelles, mais enfin, elles cèdent. À tous ces agréments personnels, l'adjudant venait d'ajouter une force irrésistible. Cette force, c'était le jeu. Le jeu est encore un de ces puissants agents dans le roman ou dans le drame, qui manquent au drame et au roman moderne. Le jeu, c'est comme le couvent du grand chemin, toujours prêt à donner asile à l'aventurier qui passe. Quand votre aventurier n'a pas d'habit, n'a pas de gîte, le jeu est là qui lui donne habit. Gîte, balai, belle femme, souper magnifique, grand train. Le jeu agit à peu près dans les romans et dans la vie du XVIIIe siècle comme la baguette magique ou le talisman tout-puissant dans les contes de Perrault. Vive le jeu pour expliquer tous les bonheurs et tous les revers, pour montrer un homme sous son côté inattendu, pour développer une intrigue des langes qui l'enveloppent. À présent que nous savons Casanova joueur, et joueur habile, nous avons notre Casanova au grand complet. Ta fortune est faite, mon fils, dans la voie scélérate où tu t'engages. Lâche-lui la bride, qu'il aille un bride abattu et sans crainte puisqu'il est sans reproche. Il n'y a pas de sollicitude à avoir pour un jeune homme aussi avancé. À Corfou, donc, il joua, il fit l'amour, il gagna beaucoup d'or et beaucoup de femmes. Il ne garda ni son or ni ses femmes. Il devint, comme il le dit lui-même en tête d'un de ses chapitres, un framborien. Je deviens un framborien. À force d'être un framborien, il est forcé de vendre sa charge. Il est rappelé de Corfou à Venise. Il revient à Venise plus pauvre qu'il n'en est sorti. Pauvre, mendiant, sans habit, ruiné, et n'ayant pour toute ressource qu'un méchant violon sur lequel il faisait sa partie dans un orchestre d'opéra. C'était la tombée de bien haut pour un secrétaire de cardinal, l'amant de toutes les marquises et comtesses qu'il avait trouvées sur son chemin. Cependant, il se consolait de sa triste position à force de philosophie et d'ivrognerie dans les tavernes. Il avait fait société avec une douzaine de bons sujets comme lui, et la nuit il s'en allait, faisant toutes sortes de désordres dans la ville, frappant aux portes silencieuses, brisant les vitres, enlevant les enseignes, décrochant les nacelles, qui ensuite voguaient toutes seules où elles pouvaient, vivant au cabaret et y faisant mille folies. Un jour, entre autres, c'était un jour de carnaval, une honnête famille vénitienne se livrait à la gaieté dans un cabaret retiré. Au milieu de cette famille était une femme d'une grande beauté et d'une grande modestie. Novi Garnement s'habille en alguazil, et ainsi déguisé, il s'en va au nom du très redouté tribunal des dix. Ils arrêtent tous les hommes. Ils les conduisent fort loin à Saint-Georges, sur l'autre rive du canal. Cependant, la jeune femme était entraînée à l'auberge des deux épées, où elle soupa joyeusement avec les alguazils du très redouté tribunal. De retour chez lui, le pauvre mari porta ses plaintes au Sénat de Venise. Mais quoi ? Il y avait un praticien parmi les honorables compagnons de Casanova. L'honnête Vénitien n'eut donc aucune satisfaction. C'était là une aristocratie qui avait pour devise « Solomi ». Vous savez où sa devise l'a menée. Notre homme, cependant, à force de jouer du violon, était plus misérable de jour en jour. Un soir, ou plutôt une nuit, qu'il avait raclé des airs de danse sur son instrument à quelques brillantes fêtes, dont il n'était que le spectateur le plus fatigué et le plus haletant, il s'en retournait tristement chez lui, pâle et harassé. Comme il descendait l'escalier, son violon sous le bras, il rencontra un sénateur en robe rouge qui était monté dans sa gondole et qui, en tirant son mouchoir de sa poche, laissa tomber une lettre. Casanova ramasse cette lettre et la rend au sénateur. Celui-ci, voulant rendre au pauvre musicien politesse pour politesse, veut absolument le reconduire chez lui. Ils partent. En chemin, sa seigneurie est frappée d'une attaque d'apoplexie. Casanova le prend dans ses bras, le ramène à son palais. Le chirurgien arrive à temps. Sa seigneurie est sauvée. Son premier regard et son premier sourire sont pour ce jeune homme qu'il a secouru si à propos. Ce sénateur était M. de Bragadin, homme savant, bon, facétieux, sceptique et qui n'avait que 50 ans. Voilà Casanova qui jette son violon aux orties, comme il a déjà jeté son collet d'abbé, son uniforme d'adjudant. Monsieur de Bragadin l'adopte pour son fils, et il l'introduit dans sa société la plus intime, il l'initie aux affaires les plus secrètes, il lui fait une pension très honorable, il lui donne un bel appartement dans son palais. Le ménétrier devient tout à fait un grand seigneur. Mais hélas, ménétrier au grand seigneur, il ne changea rien à ses allures. Il s'adonna de nouveau, corps et âme, aux jeux et aux femmes. Rien n'est monotone comme ces histoires de femmes, qu'elles résistent longtemps ou qu'elles cèdent sur le champ, qu'il les rencontre dans un salon ou au coin de la borne, qu'elles le comblent de présents ou qu'elles le volent effrontément dans une maison de jeu. Pour lui, c'est à peu près la même chose, ce sont toujours des femmes. Quoi qu'elles fassent, il faut toujours arriver à la même conclusion, et arriver à cette conclusion, il faut recommencer encore. Casanova est un si rude jouteur en fait d'amour qu'il ne s'aperçoit pas que le plus simple récit de ses combats est déjà une fatigue. Et puis, il y a une chose ignoble dans sa manière de raconter toutes ses amours, c'est cette atroce formule « tu » qu'il emploie à chaque instant et pour toutes les femmes. Telle femme qu'il appelle respectueusement Madame la Duchesse au commencement d'un chapitre, il lui dit « porte-toi bien » à la fin du même chapitre. Du reste, rien n'est épargné par ce galant effronté. La fille de joie, la grande dame, la villageoise ingénue qui cherche un mari, l'abbesse dans son monastère, la servante dans son cabaret, la femme de sénateur, la femme de théâtre, la femme d'alguazil, tout lui est bon. Ajoutez une demi-aune de longueur à la liste de Don Juan. Il en fit tant qu'il fut obligé de quitter Venise, et il quitta Venise et Monsieur de Bragadin, et cette haute position, et cette brillante fortune, et ce grand avenir, sans trop de regrets. Que pouvait-il faire dans une ville où il n'y avait que les sénateurs à robe rouge et à longue perruque qui eussent le droit de tenir la banque de Pharaon? Il avait 23 ans quand il quitta Venise la nuit. 2 jours après, il était à Milan, libre encore une fois, encore en beaux habits et en argent comptant. Le soir, au théâtre, il rencontre une de ses anciennes connaissances, Marine, qui dansait un pas grotesque. À la fin du ballet, il va demander Marine. L'ami de Marine jette un couteau à la figure de la danseuse. Casanova appelle le champion en duel et il le blesse au bras. Le voilà en pied dans les coulisses. Dans les coulisses, il trouve des officiers avec lesquels il joue et il vole aux cartes. Il mène sans remords la vie d'un misérable. Ce fut bien pire quand il fut à Cézanne. À Cézanne, il fait le magicien. Il vend à un imbécile, et pour la somme de 2000 écus, une vieille botte qu'il donne pour un fourreau d'épée. Et puis il entasse toujours de nouvelles amours sur les anciennes amours. Toute cette partie de la vie de notre aventurier est très active. Il se livre à une escroquerie de bas étage qui n'a rien de fort extraordinaire. Mais cela devient d'un haut intérêt quand enfin sa fortune, ou plutôt la nôtre, le jeta dans la France élégante et croulante du roi Louis XV et de Madame de Pompadour. Rien n'est amusant et rien n'est vrai comme la peinture de Paris par Casanova. Il est venu à Paris comme il est allé à Constantinople, sans aucun but, et poussé uniquement par son humeur aventureuse. Arrivé à Paris, il va au Palais Royal. C'était le matin, il entre dans un café, il demande du café à l'eau. On lui répond qu'on n'a que du café au lait, qu'on ne fait de café à l'eau que le soir, et on lui offre un verre d'orgeat. Pendant qu'il prend son verre d'orgeat, il demande au garçon ce qu'il y a de nouveau. Celui-ci répond « La dauphine est accouchée d'un prince ». Un abbé soutient qu'elle est accouchée d'une princesse. Un troisième qui survient dit que la dauphine n'est pas accouchée. En sortant, M. l'abbé lui donne le nom et l'adresse de toutes les filles qui se promènent dans le jardin. Au milieu du jardin, une grande foule se tient debout, le nez en l'air et la montre à la main. Ce sont les bons Parisiens qui viennent régler leur montre à la méridienne du Palais Royal. En sortant du jardin, la foule se porte chez un marchand de tabac. Elle ne veut que du tabac de la civette, comme elle ne veut que l'heure de l'horloge du Palais Royal. De là, il s'en va faire une visite à la comédienne Sylvia. Chez Sylvia, il est présenté à un bonhomme de 80 ans, vieillard encore très énergique, Crébillon, l'auteur de Radamiste. Crébillon, haut de 6 pieds, énergique mangeur, grand amateur de bonne chère, intrépide fumeur, gouverné par sa cuisinière, par ses chiens et ses chats, se charge d'apprendre le français de Paris à l'italien Casanova et il l'invite à venir chez lui. Le soir de cette même journée, Casanova, en bel habit italien, en manchette ouverte, et couvert de boutons du haut en bas, se rend à la Comédie italienne. On jouait Seni, pièce de Madame de Graffigny. Pendant l'entracte, il demanda à un homme qui était à côté de lui « Quelle est cette grosse cochonne ?» en même temps qu'il montrait une dame bien parée dans une loge voisine. « C'est la femme de ce gros cochon, » lui répond le voisin en se désignant lui-même. La grosse cochonne et le gros cochon invitent Casanova à souper pour le soir même. C'était M. Beauchamp, receveur général, et sa femme. Casanova accepte, et dans cette maison il rencontre l'éclat, la joie, un grand feu, une grande chair. La vie parisienne était ainsi faite alors, pleine d'éclat, pleine de grâce, affable, polie, flexible, insouciante, tout entière à l'heure présente, disposée à rire de tout, et fort peu rancuneuse, comme vous voyez. Le lendemain, notre homme va se promener aux Tuileries. Il est présenté à Madame Bocage, qui était en train de plaindre ce pauvre maréchal de Saxe, pour lequel on ne pouvait pas dire un De Profundis, lui qui avait fait chanter tant de Te Deum. Des Tuileries, on le mène chez Mademoiselle Fell, de l'Opéra, actrice bien aimée de tout Paris. Mademoiselle Fell avait trois enfants charmants qui voltigeaient autour de la maison. « Je les adore, » disait Mademoiselle Fell. « Ils sont beaux tous les trois, » reprenait Casanova, « mais d'une beauté différente. »« Je le crois bien, » disait l'actrice. « L'un est fils du duc d'Annecy, l'autre du comte d'Egmont, le troisième doit le jour à Maison Rouge. »« Pardon, madame, » lui dit Casanova, « je vous croyais la mère de tous les trois. » À ces mots, Mademoiselle Fell part d'un grand éclat de rire. Il faut avouer aussi que la réponse est innocente pour un homme comme Casanova. Un autre jour, chez l'ami, maître des ballets de l'opéra, il voit cinq ou six jeunes personnes de 13 à 14 ans, d'un air très modeste et très réservé. Elles étaient accompagnées de leur mère. L'une d'entre elles, se trouvant mal, dit à sa compagne « Je crois que je suis grosse. » Casanova s'avance et dit « Je ne croyais pas que madame fût mariée. » On éclate de rire, comme chez Mademoiselle Fell. Ce Casanova, tout roué qu'il est, raconte de bonnes naïvetés. Il raconte, entre autres choses, qu'un homme de lettres, nommé Patu, lui enseigna l'art de faire de la bonne prose. Ce Patu, qui concourait pour l'éloge du maréchal de Saxe, avait jeté sur le papier un grand nombre de phrases écrites en vers blanc de 12 syllabes. « La prose devient plus belle, lui dit Patu, quand elle est écrite en vers blanc. » Il ajouta que Crébillon, l'abbé de Voisenon, Larpe et Voltaire n'ont jamais fait autrement leur bonne prose. Ce diable de Patu n'aurait pas écrit Candide. Le soir, il va à l'opéra. On jouait à l'opéra une fête vénitienne, dans laquelle fête l'église de Saint-Marc est à droite et le palais ducal à gauche, ce qui est tout le contraire. Dans cette même fête, il vit danser le doge et 12 conseillers en toge. Il vit aussi le fameux danseur Després. Il le vit arrondir ses bras lentement, les resserrer, remuer les jambes avec précision, faire des petits pas, des battements à mi-jambe, une pirouette et disparaître comme un zéphyr. Cela n'avait pas duré une demi-minute. À la fin du second acte, le même Després se montra de nouveau. Il s'avance solennellement sur le bord de la scène. Aussitôt 1000 voix s'élèvent dans le parterre. On s'écrie de toutes parts « Il se développe, il se développe !» En effet, il paraissait un corps élastique qui, en se développant, devenait plus grand. L'instant d'après, Casanova, à peine revenu de son admiration pour Després, voit arriver une danseuse qui parcourt l'espace en faisant des entrechats à droite, à gauche et dans tous les sens. C'était la Camargo. Un vieil amateur qui était là lui raconte que dans sa jeunesse, la Camargo faisait le saut de basque et même la gargouillade. Il y a loin de Després et même de la gargouillade de la Camargo, au pas charmant et plein de décence de Mademoiselle Taglioni. L'opéra de ce temps-là était aussi suivi que l'opéra de notre temps. Ce qui rend l'identité parfaite, c'est qu'en ce temps-là, non plus qu'aujourd'hui, il n'y avait personne au Théâtre français, bien qu'on y jouât parfaitement avec Mesdames d'Angevilliers, Doménil, Gossin, Clairon, avec Préville, les chefs-d'œuvre du théâtre. Un soir, au Théâtre français, Casanova dit à sa voisine « Voilà une jolie personne !» Elle jouait l'amoureuse. « Venez souper chez son père !» lui dit sa voisine. Et comme il s'étonnait de cette grande facilité à donner à souper aux gens, « Mon Dieu, » reprit-elle, « vous êtes à Paris, monsieur. On y sent le prix de la vie, et l'on tâche d'en tirer parti. » Et en effet, c'était là tout le secret de cette admirable facilité parisienne. On sentait que la révolution était proche, on le sentait confusément, et la société parisienne jouissait de son reste. Casanova a vu en détail tous les comédiens de Paris. Un jour, on le mène dîner chez le fameux Carlin Bertinazzi, chez M. de la Scierie où il logeait. Chez M. de la Scierie, il voit trois jolis enfants. « Ce sont les enfants de ma femme et de M. Carlin, » dit l'honnête Marie. Au reste, Carlin ne faisait en ceci qu'imiter les plus grands seigneurs. Mes seigneurs de Boulefler et de Luxembourg, en ce temps-là, avaient changé de femme et chacun d'eux appelait de son nom les enfants de ces deux dames. On s'y perd en vérité à voir cette corruption si échevelée, si naïve, si vraie, et qui se ferait presque pardonner à force de naïveté. À la cour même du roi Louis XV, Casanova rencontra autant de bonhomie que parmi les artistes et les autres nobles. Le roi faisait tous les ans à Fontainebleau un voyage de 6 semaines qui coûtait 5 millions à la France. Il emmenait avec lui tout Paris. On y donnait la comédie chaque soir. Casanova, assis au parquet, au-dessous d'une loge, écoutait avec transport la musique de Lully. À l'entrée de la Renault, il jeta un cri d'admiration, s'imaginant qu'il était dans son droit. Un cordon bleu, qui était dans cette loge, à côté d'une dame, lui frappa sur l'épaule et lui demanda « De quel pays êtes-vous ? » « Je suis de Venise, » dit l'autre. La dame s'avançant au bord de la loge, « Vous êtes de là-bas, monsieur ?»« De là-bas, » reprend Casanova. « De là-haut, madame. » À cette réponse, voilà toute la loge qui se consulte longtemps pour savoir si Venise est en haut ou en bas. On était guère fort en géographie à la cour de Louis XV. Ce grand seigneur, c'était le duc de Richelieu. Cette grande dame, c'était madame de Pompadour. Casanova s'extasie à juste titre sur la beauté du roi Louis XV. Il le vit dans la galerie de Fontainebleau, comme il passait, le bras appuyé de tout son long sur les épaules du marquis d'Argenson. Sa beauté et sa grâce forçaient l'amour de prime abord. C'était la majesté idéale. Il vit aussi la reine. Elle était à table. Elle mangeait une fricassée de poulet. Elle appela M. de Lovendal. Un superbe homme s'avance et s'incline en disant « Madame, je crois que ce ragoût est une fricassée de poulet, » dit la reine. « Je suis de cet avis, madame. » Et le maréchal, s'inclinant de nouveau, reprend sa place à reculons. C'était pourtant le vainqueur de Bergobzom. Il a vu aussi Fontenelle, ce spirituel vieillard, le dernier bel esprit de la France, charmant égoïste, plus égoïste que le roi Louis XV. Fontenelle avait alors 93 ans, et comme l'Italien lui disait qu'il était venu à Paris tout exprès pour le voir, « Avouez que vous vous êtes fait bien attendre, » dit Fontenelle. Il faut arrêter ici le cours de ses confidences. Ce diable d'Italien a écrit 12 volumes in 8 avec ses aventures. Vous me serez peut-être gré de vous les résumer ainsi en quelques pages. Vous verrez qu'on peut tirer un grand profit de tout cet incroyable pêle-mêle. Une autre fois donc, je vous donnerai ce que j'aurais trié dans toutes ces ordures. Je sais bien que ceci est moins glorieux à faire qu'une belle page de prose, mais ceci est plus amusant pour vous. Et en mettant à part la gloire que vous rapportent les romans et les contes, j'imagine qu'il y a plus que compensation. » Jules Janin.